huit racailles maghrébines qui se mettent sur un blanc. C'est un phénomène qui existe. Ah oui, ça, bien sûr, Ben oui, bien mais oui, sûr, mais bien c'est. sûr. Alors, le problème, c'est que les gens qui l'admettent n'en parlent quand même comme un détail. Genre, oui, mais bon, d'accord, mais pendant qu'on parle de ça, il y a Jetland qui sodomise des enfants au Ouais. Maroc.